Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, hein. C'est con, on va s'en mettre. Laurent Malouda. Ça fait du bien de revenir, hein. Mais non, j'étais mis en vacances, banane. Putain, oui, ça fait du bien de revenir. Bien sûr, toi, t'as rien à foutre de tes journées, donc forcément, t'es content. T'es en vacances nulle part, lui. Il est capable d'aller à la méno pour ses vacances, hein. T'es un dingue. Bah ouais, mais voilà, t'es un grand malade. Si t'aimais le football, tu saurais. Moi, non, moi, je m'intéresse pas au foot. Moi, je te rappelle, moi, j'aime les vrais sports. Le rugby, le curling, les échecs, le poker. Donc ça fait plaisir de revenir, j'ai appris des choses très intéressantes. Lord Juric, hein, c'est ça son nom, il a visité les installations de Valenciennes. Ça, j'aime beaucoup le Red Sox, le mec, il a dû aller vite quand même, s'il y a un demi-terrain synthétique, une machine à café, un chiotte à la turque. Donc à mon avis, c'est pas Milanello quoi. C'est-à-dire qu'à mon avis. Non, c'est une erreur quand même, ils ont des installations top, un nouveau stade et un top centre ouais, d'entraînement. Enfin, j'espère qu'il avait prévu autre chose t'es pour pas le week-end. En train de placer un joueur à Valenciennes. Non, mais je te dis la vérité. Non, ça va, ils ont construit 9 là. Attends, la séquence comique, c'est toi ou c'est moi là? Parce que j'ai pas compris. C'est lui qui fait les blagues là, tout à l'heure. Non, bien sûr, mais t'es pas au courant. Milanello à côté, c'est rien. Ils ont le Valenciennes Lab ou pas? Là-bas aussi pour les joueurs. Je l'ai pas visité. Y a pas? Non. Arrête tes conneries. Les mecs, ils arrivent pas à sauver 6 France. Ils vont quand même pas tout foutre le pognon dans un centre de formation. Un truc. Ça serait honteux. Me dis pas ça quand même. D'ailleurs, j'ai pas trop aimé l'allusion de Daniel sur les petits garçons avec. Avec pas notre vous, ami ça. Fred, sous-entendu. Ça, c'est le Parisien de base, c'est tu vois. Pas ça parce qu'il était du Nord. Hein. Ouais, non, mais c'est vraiment les réflexes. Et après, il dit que. Il y a des réflexes. Tu sais, quand t'es parisien, t'as des réflexes comme ça. Dès qu'ils voient un mec, ils crient paysan, paysan. Enfin, tu vois, c'est. On peut pas s'empêcher. C'est pas possible. J'ai vu que Fred était ami. Alors, au Ballon d'Or, t'étais ami avec tout le monde. Hein. T'es ami avec la présentatrice, avec ouais. L'habilleur, le coiffeur. En fait, le seul mec avec qui t'es pas pote, finalement, c'est le mec qui a eu le Ballon d'Or, en fait. C'est le seul, lui, ses potes, c'est les deux, c'est ceux que tu peux pas blairer. Parce que sinon. Enfin, t'as mis deux copains, mais ils sont pas venus, les mecs, ils ont boudé. C'est pas de bol, hein. Là, c'est quand ça veut pas, hein. Enfin bref, alors Ozil, alors on a appris que Ozil, lui, il part à Milan à chaque fois pour rejoindre une gonzesse. Non mais les mecs, il est pas blâmé, franchement, t'as vu la tronche qu'il a, mais il chope les gonzesses où il peut le mec. Il en trouve une qui est d'accord à Milan, il se déplace le mec. Mets-toi à sa place, t'aurais sa tête, tu ferais pareil, t'irais jusqu'en Australie à chaque fois pour la choper la nana. Bon, sûrement une non-voyante, hein. Non mais, non-voyante, c'est un peu comme nonchalante, tu sais, non-voyante, c'est pas très voyante, comme Sertic avait dit, tu ouais. Sais, il avait dit, je suis nonchalant, je suis pas très chalant. C'est comme Ribéry, qui devait être nombriliste, hein, parce qu'il est pas très briliste non plus. Enfin bref, quoi. Enfin, je pense qu'ils étaient non présents, hein, au moment où il y avait les cours de français et les cours de... Ouais. Donc, donc Thierry Henry, hein, Thierry Henry, alors on a appris, moi je savais pas, hein, qui téléphonait à tous les mecs qui disaient du mal de lui. T'imagines si Gignac il faisait pareil, et qu'un mec, il aurait besoin des 8 portables de Samuel Eto'o, hein, à mon avis. Hein. Minimum. C'est un clin d'œil personnel, un ami. En Angleterre, je me rends compte que Henry est de retour au top. Paul Scholes, 37 ans, il est au top. Giggs, 39 ans, il est au top. Dire qu'on a failli prendre ce gamin de Beckham qui a à peine 36 ans, le mec. Mec, non, mais c'est vrai, ils l'ont pas pris parce qu'ils voulaient qu'il s'aguerrisse, qu'il fasse une année de plus à Los Angeles. Quoi. Non, parce que là, on n'est pas la jaunelière non plus, tu vois, on a autre chose à foutre. On prend pas les scouts, nous. Donc le petit jeune, là, il reste à Los Angeles un petit peu. Puis quand il sera vraiment prêt, il viendra. Alors Gilbert, aujourd'hui il y avait encore un film à gagner. T'as vu, c'était dans La Tourmente. Alors t'as vu qu'il y avait François Calderaro. Mm-hmm. C'était pas Brandao? Ah non, lui c'est dans La Tournante, lui. Qu'il est... C'est un autre film. C'est un autre film, ça a très bien marché. D'ailleurs, ça a fait un carton. Je crois que ça a marché au Brésil. Ça a marché. Il voulait l'avoir en Russie à un moment donné. Enfin bon. C'est très très bien. Cantona se présente à la présidentielle. À savoir, est-ce qu'il va avoir les 500 signatures des maires. Moi, je crois qu'il peut avoir 500 signatures de Roger Le Maire, peut-être. Au maximum. Hein. C'est moi. J'ai vu qu'il voulait prendre la place du président, mais il sait que c'est pas Laurent Blanc hein, qui remet son titre en jeu au mois de mai. Il est au courant quand même. Non, mais déjà qu'on a une Norvégienne. Hein, alors maintenant, on va avoir un roast beef. Maintenant, il se croit plus que c'est anglais que français. Donc, on a une Norvégienne, un roast beef. On a un Hongrois. Reste un Français. Il s'appelle Hollande. Ça va être l'Euro 2012. Hein. C'est même pas la peine de s'emmerder. Si, il y a, Bayrou, mais il a rien gagné en équipe de France, donc il a rien à foutre là, d'après Daniel. Hein. Non, d'accord. Ah non, c'était l'auditeur, pardon. Enfin, je voudrais quand même revenir sur l'événement du week-end, sur cette victoire magnifique du Paris Saint-Germain. Oh oui, quel branlé on leur a mis, au vrai. Oh les Bretons, ouais. Ah ils sont où? Et ils sont où les Lopminois? Eh ouais. Non mais chez eux, Lopminéens, on dit. Hein, mais moi je dis ce que je veux, je m'en fous, on les a battus, on les a défoncés, on les a humiliés les mecs. En plus ils ont voulu nous avoir là sur leur terrain pourri là. Si, il y avait des brins d'herbe synthétique qui étaient un peu plus haut que les autres et tout, c'était un vrai bourbier. Dans un stade miteux de la banlieue de Locmine, à Lorient là, je sais pas comment ça s'appelle, un coupe-gorge. Et un, et deux, et deux, un. Et on a l'air de cons, on a l'air de cons. Non, c'est vrai que c'était un peu la honte, hein. J'ai quand même flippé. Daniel, il faisait un peu... T'étais pas bien, hein, Daniel. En tant que Breton, je veux dire, en tant que Breton d'adoption, t'étais pas très bien. Lopminé, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est pas le lockout. Hein. Le lockout, c'est quand des grandes stars sont obligées d'aller jouer dans des bleds pourris comme Gravelines ou Villeurbanne. Et Lopminé, bah c'est pareil. C'est les stars qui vont se faire chier à jouer sur les terrains pourris. Donc, dans des lieux improbables. Non, c'est pas vrai, c'est pas sympa, il n'y a pas de grandes stars à Paris, ils sont plus là. Paris Saint-Germain, donc. Alors moi je voudrais bien parler de la tactique de Carlo Ancelotti, parce que bon, moi j'ai regardé le match, hein. Alors on leur a fait cadeau du ballon pendant les deux tiers du match, on leur a offert un pénalty, alors je comprends mieux pourquoi ça s'appelle la tactique arbre de Noël, hein. Donc c'est vrai, parce que normal... mais seulement la différence c'est que normalement au bout de l'arbre de Noël tu mets une étoile, tu mets pas une banane, j'ai rien contre Guillaume Moirot, mais je veux dire c'est pas vraiment comme ça que je le voyais, c'est déjà fini. C'est fini. Bon bah écoutez, tant pis alors, bah écoutez à la semaine prochaine, j'ai pas de chanson cette fois-ci, j'avais énormément de choses, peut-être une dernière chose, bah non. Ouais, j'ai tant pis. Sinon, quand même, je voudrais quand même dire sur Brandao, le retour, quand même, un petit clin d'œil à Brandao. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas Brandao, ce n'est pas du tout Brando, hein, ni Frédéric Brando, et encore moins Marlon Brando. Parce que Marlon Brando, c'était un tango à Paris. Brandao, c'est un tango à Marseille, mais lui, il n'a pas utilisé la plaquette de beurre. C'est peut-être pour ça qu'il a eu des problèmes. Et malheureusement pour lui, la fille n'avait pas une culotte faite avec de la même matière que le chewing-gum d'Ancelotti. Parce qu'avec tout ce qu'il a mis à son chewing-gum, si jamais il est encore vivant, faut garder la fabrication et en faire des gilets pare-balles ou des protections anti-terroristes. Merci, bonne soirée.